15, 22, observation, o, contraction de a avec les articles le et les, révision et extension. Le bridge. Elle joue au bridge. Le Luxembourg. Elle va au Luxembourg. Les échecs. Elle joue aux échecs. Les États-Unis. Elle va aux États-Unis. Notez que o remplace a suivi de l'article défini le et O à UX remplace A suivi de l'article défini les.